suis amélioré, pris le premier album innovant de Chimantin, caissé de la bande. On départ sur ce son, nous en passons 45 en Orléans, femme et tout, les frères d'accord. Représente le TRT, représente la misère. C'est ça de Chimantin, sorti tout droit de la ruine. L'enfer, tu reconnais le flou olympique, à peine c'est spige. Y'a des gènes plus qui piquent, ne me touche pas, tu risques de le regretter. Hella, hella, mes nouveaux sons, tu reconnais. Pas besoin d'édicacer, les vrais vont se reconnaître. Les urbains, les frères, c'est pas mal que ta mère. Ok, je débarque, ok, je m'évade. Ok, pour toi, je vais activer le contrôle parental. C'est ça de Chiland, je te prends dans mon album. Même si tes paroles sont pas rentables. Un petit freestyle pour tous les frères qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour tous les beaux, on vous baise au nerf. Un petit freestyle pour tous les sœurs qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour toutes ces salopes, on vous baise vos mères. Un petit freestyle pour tous les frères qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour tous les faux, on vous baise vos mères. Un petit freestyle pour toutes les sœurs qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour toutes ces salopes, on vous baise vos mères. Un petit freestyle pour tous les frères qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour tous les faux, on vous baise vos mères. Un petit freestyle pour toutes les sœurs qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour ces salons, on vous baise vos mères. Un petit freestyle pour tous les frères qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour tous les faux, on vous baise vos mères. Un petit freestyle pour tous les sœurs qui nous soutiennent. Un petit freestyle pour ces salons, on vous baise vos mères. Yeah, allez, on passe aux petits dédicaces. Dédicace à KLM, DZ, 45 Orléans, Dilem, révolte urbaine. Lâche pas, mon frère. Aérané, mon gars, ta gars, toujours présent, mon frère. Innova, Mili et ta ville de Chilan. À mon pote, Rouskov, Mardin, Nas, Mirsa. Sans oublier, Pouvé et mon frère, la côté. Tout est Chilan et tous les frères. Sans oublier le plus important, à tous nos pères, à tous nos mères, à tous ceux qui ont souffert. On est toujours soudés les frères, un pour tous et tous pour un. Allez les frères.